Bilan. Activité 1, page 70. Liste 52. Allez, on continue, ma petite. Plie les bras, baisse les bras. Combien de fois, maman ? 5 fois. Maintenant plie les genoux, lève-toi. 5 fois. Voilà. Oh, c'est fatigant, maman. Souffle, lève la jambe gauche, baisse la jambe. 5 fois.